الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فما زلنا في دراسة القواعد المثلى التي ألفها الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد كما نسأله جل وعلا الإخلاص في القول والعمل. وبعد، إذن نواصل دراستنا وما زلنا في دراسة قاعدة من قواعد نصوص أو أدلة الصفات. Donc on va continuer, inshallah, sans plus attendre, sur l'étude des règles exemplaires concernant les attributs d'Allah et ses noms parfaits. Et on est toujours sur l'étude d'une règle parmi les règles relatives au texte, parmi les règles relatives au texte qu'on appelle texte d'attribut, c'est-à-dire les textes sacrés, que ce soit dans le Coran ou bien dans la tradition prophétique, où il y a mention d'attributs divins, d'attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien de nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc l'auteur nous a évoquer des règles, comment comprendre ces passages, ces versets, dans le Coran par exemple, qui sont des versets spécifiques qu'on appelle des versets d'attributs, comme on l'a mentionné précédemment. Donc si vous avez compris tout ce qui a précédé, Inch'Allah, on va continuer. Et s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à demander à la fin de l'assise. Et celui qui se concentre et fait l'effort d'essayer de comprendre et comprend cette œuvre et les règles qui sont mentionnées dans cette œuvre, dans ce livre, ça va lui ouvrir des portes pour pouvoir comprendre et évoluer dans l'étude d'autres livres et d'autres œuvres écrites par de grands savants musulmans dans le domaine de la croyance, surtout dans le domaine des noms et des attributs de notre Créateur, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, on a appris dans les assises précédentes concernant les textes qu'on nomme les textes d'attributs. Ayat al-Sifat, par exemple, les versets d'attributs. On a dit, ces versets, il faut les comprendre et les prendre selon le sens apparent. On prend le sens apparent, comme cela a été détaillé dans les règles précédentes. Ensuite, dans cette règle-là, on a appris que le sens apparent, c'est le sens qui nous vient à l'esprit immédiatement. Directement. Le sens qui nous vient à l'esprit, le sens du terme, c'est ce qui nous vient à l'esprit directement. Et on a bien détaillé cela dans ce qui a précédé. L'auteur ensuite, pour qu'on puisse reprendre directement sans plus attendre, l'auteur ensuite nous dit, par rapport à ce sens apparent, il y a trois catégories de gens. C'est-à-dire, chez les théologiens musulmans, dans le monde musulman, face à ces textes et face à l'apparence de ces textes, alors il y a eu trois conceptions, trois catégories de gens. La première catégorie, on avait fini d'expliciter et d'expliquer la première catégorie dans la dernière assise, la première catégorie, c'est ceux qui prennent le sens apparent du texte comme il convient au Créateur. Comme il convient à Allah subhanahu wa ta'ala. On a dit ça, c'est la conception, c'est la croyance des premières générations, des pieux prédécesseurs. Ils abordaient, prenaient, comprenaient ces textes selon le sens apparent. Et ce sens apparent-là, ils le comprenaient et l'affirmaient comme il convient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lorsqu'il y a la mention, par exemple, dans le Coran, les passages où il y a allusion à l'élévation d'Allah Azza wa Jal au-dessus de son trône, ils ont compris cela comme il convient, comme il sied à Allah subhanahu wa ta'ala. Que c'est quelque chose de spécifique à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il est le seul, unique et rien ne lui est semblable et comparable. Ça, c'est la première catégorie de gens, la première compréhension ici face à l'apparence des textes. On va passer maintenant à la deuxième. Donc ça, c'était une brève révision de ce qu'on a étudié la fois dernière pour qu'on puisse comprendre ensuite ce qui arrive. Alors, on a dit, l'auteur nous avait enseigné que ce qui prouve la véracité de cette méthodologie, il a cité deux points. À la fin, il avait cité deux points qui prouvent la véracité de cette méthodologie. Ensuite, il dit, ثم قال القسم الثاني, la deuxième catégorie. قال من جعل الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه وأبقوا دلالتها على ذلك وهؤلاء هم المشبهة ومذهبهم باطل محرم من عدة أوجه. Il dit la deuxième catégorie, c'est ceux qui ont compris ce qu'on appelle جعلوا الظاهر المتبادر من نصوص الصفات, ceux qui ont compris l'apparence des textes selon un sens erroné. Cette deuxième catégorie, ils ont compris et ils ont pris l'apparence des textes d'attributs selon un sens erroné qui ne convient pas au Créateur et ne convient pas à Allah. Et celui-ci, cette conception-là et cette méthodologie-là, elle est appelée chez les grands théologiens, les grands savants musulmans comme « Ahlut Tashbih ». Al-Mushabbiha, c'est la doctrine de l'Mushabbiha, ceux qui, pour eux, l'apparence de l'attribut du texte, et donc l'attribut qui est mentionné, il est comparable à l'attribut de la créature. Et donc, eux, le sens qu'ils donnent à cet attribut, c'est le même. Il est comparable à celui de l'être humain, à celui de la créature. C'est pour cela qu'ils sont nommés et appelés Al-Mushabbiha. Al-Mushabbiha, le fait qu'ils font ressembler le créateur à la créature. Et donc pour eux, par exemple, lorsqu'ils sont face à un verset d'attribut, par exemple le verset où il y a la mention de la main, par exemple, à titre d'exemple, pour eux, la main qui est mentionnée dans le texte, elle est comparable à celle de l'être humain. C'est le sens, pour eux, c'est ça le sens apparent. C'est pour ça que l'auteur dans le livre il dit من جعل الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه وهو التشبيه وأبقوا دلالته على ذلك. Et ça, pour les grands savants musulmans, cette conception là et cette méthodologie là, cette compréhension, si vous voulez, elle est interdite. Elle est interdite pour plusieurs raisons. Pour plusieurs raisons. قَالَ وَمَذْهَبُهُمْ بَاطِلٌ مُحَرَّمٌ مِنْ عِدَّةِ أَوْجُهٍ. Pourquoi les savants disent que cette méthodologie-là, cette compréhension est fausse, est erronée et interdite? Pour plusieurs raisons. Pourquoi? الْوَجْهُ الْأَوَّلُ, premièrement, أَنَّهُ جِنَايَةٌ عَلَى النُّصُوصِ وَتَعْطِيلٌ لَهَا عَنِ الْمُرَادِ بِهَا. فكيف يكون المراد بها التشبيه وقد قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Premièrement, pourquoi? Parce que La première raison, parce que cette compréhension-là porte atteinte au texte. Porte atteinte au texte. Le fait de penser que l'apparence du texte, c'est-à-dire que l'attribut divin, l'attribut du créateur, est comparable à l'attribut de la créature. Ça, c'est porter atteinte au texte. Et c'est nier le voulu, le sens qui est voulu par le texte. Pourquoi ? Parce que dans le Coran, justement, Allah subhanahu wa ta'ala, notre créateur, nous enseigne que rien n'est comparable à lui. Laysa kamithlihi shay. Donc de penser que ces attributs, ce sont des attributs qui sont comparables au créateur, alors c'est une atteinte au texte et ça va à l'encontre du voulu, du sens en réel, réellement voulu du texte. Ça, c'est la première cause. Pourquoi ? Il est impossible que le sens apparent du texte, c'est-à-dire l'attribut, soit un attribut comparable aux créatures. C'est impossible. Pourquoi ? Premièrement, pour la première raison qu'on vient de citer. Deuxième raison, أن العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات فكيف يحكم بدلالة النصوص على التشابه بينهما. Deuxièmement, donc là je vais vous demander de me suivre. Pourquoi ? Parce que je vais un peu avancer, Inch'Allah. On va avancer, Inch'Allah, pour qu'on puisse arriver à la troisième catégorie. Pour qu'on puisse au moins étudier la troisième catégorie, puisque la troisième catégorie sera un peu plus longue. Puisque l'auteur lui-même dira qu'en fait, ce qui crée ambiguïté réelle, c'est réellement la troisième catégorie. Pourquoi ? Parce que la deuxième catégorie, en réalité, les gens, la naturalité des gens, nient cette chose-là. Et donc, même une personne qui n'a pas une grande connaissance dans la religion, sait que cela n'est pas possible. Comparer le créateur à la créature et que les attributs divins sont comparables aux attributs de la créature, la naturalité de l'individu nie cela. Donc ça n'a pas occasionné grande ambiguïté chez les gens. Vraiment, ce qui a occasionné grande ambiguïté chez les gens, et pour cela les savants se sont hâtés de réfuter, c'est la troisième catégorie qu'on va prendre, Inch'Allah. Pour ça, la deuxième catégorie, on va avancer, Inch'Allah. Donc, je vais vous demander de vous concentrer. Le principal, c'est que vous avez compris qu'on est en train de mentionner les causes pour lesquelles cette conception et cette méthodologie est erronée et fausse. De penser que l'attribut divin serait comparable à l'attribut de la créature. Sauf que, pour comprendre la troisième catégorie, il faut quand même comprendre celle-ci. Il faut quand même comprendre celle-ci. Donc la deuxième cause, pourquoi cela est impossible ? Parce que l'auteur nous dit, même la raison humaine, notre raison, nous indique qu'il y a une différence entre le créateur et la créature, et que la créature n'est pas semblable au créateur. Et donc, que ce soit fi dhat ou que ce soit fi as-sifat, quel est le sens de cela ? Que ce soit au niveau de l'être ou bien que ce soit au niveau des attributs. Au niveau des attributs. Donc, la raison humaine indique cela. Donc, comment on pourrait, à partir de textes, argumenter avec des textes pour penser que le créateur serait comparable à la créature. Ça, c'est le deuxième élément. Troisième élément, الثالث. أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لما فهمه السلف منها فيكون باطلا. Troisième raison, c'est que cette compréhension-là et cette méthodologie-là, c'est-à-dire cette compréhension du sens apparent du texte, selon celle-ci, cette deuxième catégorie, elle est contraire à la compréhension des pieux prédécesseurs dans les premières générations. فإن قال المشبه أنا لا أعقل من نزول الله ويدي إلا مثل ما للمخلوق من ذلك. Si par exemple celui donc par exemple, qui adhèrent à cette conception et pensent que l'attribut du créateur est comparable à l'attribut de la créature. Alors, par exemple, si dit « Ana la aqilu min nuzulillahi wa yadihi illa mithla ma lil makhluqi min dhalik. Wallahu ta'ala lam yukhatibna illa bima na'rifuhu wa na'aqilu. » Celui-ci pourrait dire, dans son argumentation, il dit, par exemple, lorsqu'il est face à un texte qui parle, fait allusion à la descente du Créateur, à la descente d'Allah Azza wa Jal. Vous connaissez tous le hadith où le prophète Sallallahu Alaihi Wasallam nous enseigne qu'au dernier tiers, de la nuit, notre Créateur descend au premier ciel et dit « Qui est-ce qui me demande que je lui donne ? Qui est-ce qui me demande le pardon parmi les choses que Allah Azza wa Jal dit que je lui pardonne ? Qui est-ce qui m'implore que je l'exauce parmi les choses qui sont dites ?» Donc, ce hadith-là fait allusion à la descente d'Allah Azza wa Jal. Le partisan de la doctrine de l'Mushabbiha, ceux qui font ressembler le Créateur aux créatures, il dirait « Moi, je ne peux pas comprendre autre chose. » Ou par exemple, s'il est face à un texte où il y a mention de la main du Créateur, il dira « Moi, je ne comprends pas autre chose que, par exemple, la descente et la main. Je ne peux pas comprendre autre chose si ce n'est la descente ou la main comparable à celle de l'être humain. » Il argumentera de cette manière en disant « Je ne peux pas comprendre autre chose et raisonner autre chose. » Wallahu ta'ala, et il pourrait argumenter en disant « Et Allah Azza wa Jal ne s'adresse point à nous avec une chose qu'on ne pourrait point comprendre et point raisonner. » Par exemple, les partisans de cette conception-là et de cette compréhension-là, la doctrine, la tendance et la secte qu'on appelle Al-Mushabbiha, Al-Mujassima Al-Mushabbiha, ceux qui font ressembler le Créateur à la créature, eux argumentent de cette manière. Ils disent, nous, lorsqu'il y a, par exemple, Sifat al-Yad, ou Sifat al-Nuzul, par exemple, l'attribut de la descente, l'attribut de la main ou autre attribut, ils vont dire, moi, je ne peux pas comprendre autre chose si ce n'est un attribut comparable à l'être humain, l'attribut de l'être humain. فَجَوَابُهُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهُ. L'auteur va nous dire, la réponse à cela est de trois aspects. Il va répondre à cela de trois aspects. Vous avez déjà compris l'ambiguïté ? C'est-à-dire que le partisan de cette pensée-là dira, moi, je compare l'attribut du créateur à l'attribut de la créature, à notre attribut à nous, aux êtres humains. Pourquoi ? Parce que je ne peux pas comprendre autre chose. Et notre créateur, s'il s'adresse à nous, il ne va pas s'adresser à nous avec une chose qu'on ne peut pas raisonner, une chose qu'on ne peut point comprendre. Alors, l'auteur ici va répondre selon trois aspects, trois réponses. Il dit premièrement, « أن الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال عن نفسه ليس كمثله شيء. » L'auteur nous dit en réponse à cela, à cet argument, il dit premièrement, celui qui s'adresse à nous justement, puisque les auteurs de cet argument, ils disent, Allah Azza wa Jal, en s'adressant à nous, il ne peut pas s'adresser à nous avec une chose qu'on ne pourrait comprendre. Alors l'auteur répond en disant, mais Allah qui s'adresse à nous, et celui lui-même qui a dit que laysa kamithlihi shay, c'est lui-même qui a dit, rien n'est comparable à lui. Donc si on dit qu'Allah Azza wa Jal ne peut pas s'adresser à nous avec une chose qu'on ne pourrait comprendre, nous répondons, mais celui qui s'adresse à nous, notre Créateur, et lui, c'est lui-même qui dit aussi « Laysa kamithlihi shay », il n'y a rien qui est comparable à lui. « Wa naha ibadahu an yadribu lahu al-amthal » et c'est lui aussi qui interdit ses serviteurs justement de lui donner des semblables et d'essayer de trouver des semblables. « Aw yaj'alu lahu al-andad » فَقَالَ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Et c'est pour cela que Allah Azza wa Jal nous dit dans un verset qu'il ne faut pas donner à Allah Azza wa Jal des amthal, c'est-à-dire n'attribuez pas de semblable à Allah, car Allah sait, tandis que vous ne savez pas, dans une traduction approximative du sens du verset. Et dans un autre verset, Allah Azza wa Jal dit, ne donnez pas à Allah des égaux alors que vous savez. Donc on ne peut pas lui donner des semblables. Et donc, c'est Allah Azza wa Jal lui-même qui nous a interdit de lui donner des égaux et des semblables. C'est pour ça, dans un autre verset, Allah dit فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَكَلَامُهُ تَعَالَى كُلُّهُ حَقٍ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا وَلَا يَتَنَاقَضُ. Et pour cela, la parole d'Allah Azza wa Jal est vérité. Et les paroles d'Allah, les versets ne se contredisent pas. ثَانِيهَا. Deuxième élément de réponse, أَنْ يُقَالُوا لَا. De poser et de demander à cette personne. أَلَسْتَ تَعْقِلُ لِلَّهِ ذَاتًا لَا تُشْبِهُ الذَّوَاتِ. On pose la question à la personne qui argumente de telle manière et qui pense que les attributs divins, les attributs d'Allah sont comparables aux attributs des créatures. On lui pose la question. أَلَسْتَ تَعْقِلُ. Ne penses-tu pas que l'être du créateur, that, que l'être du créateur n'est pas comparable aux autres êtres. Je reste dans une traduction littérale, ad-dawat. Sa réponse serait, bah là, bien sûr, puisque eux, bien sûr aussi, affirment que l'être d'Allah, azawajal, Allah lui-même, n'est point comparable d'une manière générale, n'est point comparable. Ça, il l'affirme et le confirme. Il dira, bah là, فَيُقَالُ لَهُ. Donc on lui dira, ne penses-tu pas alors que ces attributs ne sont pas comparables aux attributs des créatures? Aux attributs des créatures. Pourquoi? Parce que souvent ils font la différence entre الذات والصفات, entre l'être et les attributs. Et donc si on leur demande sur l'être, sur Allah Azza wa Jal, ils diront, affirmeront que Allah est unique, il n'a point d'égo et de semblable. Alors si Allah, l'être de notre créateur, est unique, il n'a point d'égo, de même, ses attributs ne sont point comparables. Il n'y a point d'attributs comparables aux attributs de notre créateur, subhanahu wa ta'ala. فَإِنَّ الْقَوْلِ فِي الصِّفَاتِ قَالْقَوْلِ فِي الذَّاتِ. Et ça, c'est une règle. وَمَنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا فَقَدْ تَنَاقَضَ. Et retenez bien cette parole-là. Il faut même la prendre, et celle-ci, elle s'apprend par cœur. فَإِنَّ الْقَوْلِ فِي الصِّفَاتِ كَالْقَوْلِ فِي الذَّاتِ. فَإِنَّ الْقَوْلِ فِي الصِّفَاتِ كَالْقَوْلِ فِي الذَّاتِ. La parole concernant l'être est comme la parole concernant les attributs. Ce qu'on dit au sujet de l'être, on dit la même chose pour les attributs. C'est-à-dire que si Allah Azza wa Jal, l'être, n'est point comparable à ses créatures et son être n'est point comparable, de même pour ses attributs. Ses attributs ne sont point comparables. Ceux qui font la différence, parce que vous allez voir les tendances, beaucoup de courants de pensée qui ont dévié, se sont égarés dans le chapitre des noms et le domaine des noms et des attributs, eux, beaucoup font la différence entre al-dhat ou al-sifat, entre l'être et les attributs. Ils font la différence entre al-dhat ou al-sifat. Et de savoir ça, ça va vous aider, ça nous aide à comprendre l'argumentation qu'il y a dans beaucoup d'œuvres et beaucoup de livres. De ce fait, l'auteur nous dit que ceux qui font la différence entre al-dhat ou al-sifat, en réalité, ils se contredisent. Il y a une contradiction lorsque on fait la différence entre al-dhat ou al-sifat. Thalithuha, c'est-à-dire troisième élément de réponse. Troisième élément de réponse. أن يقال ألست تشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية فسيقول بلى. Troisième élément de réponse, c'est de dire, poser cette question, il pose cette question en disant à l'auteur de cet argument, lui poser la question en lui disant, ne vois-tu pas les créatures? Est-ce que les créatures elles-mêmes, les êtres par exemple, les êtres vivants, est-ce qu'ils n'ont pas un point commun au niveau des appellations et des noms, mais parfois différence entre al-haqiqa ou al-kayfiyya, entre la réalité et le comment. Et le comment. La personne répondra, bala. La personne répondra, oui. C'est-à-dire que, est-ce que par exemple chez les êtres humains, est-ce qu'il n'y a pas parfois une différence, malgré qu'il y a un point commun dans les appellations et les noms, mais est-ce qu'il n'y a pas une différence dans la réalité, par exemple, et le comment des choses? La personne dira na'am. Elle dira oui. إِذَا عَقَلْتَ التَّبَيُّنْ بَيْنَ الْمَخْلُوقِينَ فِي هَذَا فَلِمَدَ لَا تَعْقِلُوا بَيْنَ الْخَالِقِ وَالْمَخْلُوقِ. Alors si la personne peut concevoir ça pour les créatures, pourquoi ne peut-il pas concevoir cela pour le créateur et les créatures? Pour le créateur et les créatures. Là, vous avez pu comprendre que l'auteur ici, il fait allusion, par exemple, entre les êtres vivants. Parfois, les êtres vivants ont un point commun dans l'appellation. Par exemple, l'ouïe, l'audience, par exemple, la vision de l'être humain, par exemple, et de la fourmi, il y a un point commun dans l'appellation. Il y a un point commun dans l'appellation. La fourmi voit, l'être humain voit. Mais ensuite, dans la réalité de la vision, la réalité de la vision, elle est différente. Celle de l'être humain et celle, par exemple, de la fourmi. Donc, pour les créatures, la personne va reconnaître qu'il peut avoir un point commun dans l'appellation, mais pas forcément dans la réalité et le comment. Dans la réalité et le comment. Donc les créatures, les êtres vivants, on a des points communs au niveau des appellations, mais ensuite le comment de la chose et de l'attribut et la réalité de celui-ci, ça diffère selon les créatures. Si on conçoit cela pour les créatures, comment ne pas concevoir cela pour le créateur et les créatures, entre le créateur et les créatures. Et donc l'auteur, il fait allusion à cela. Alors qu'en réalité, la différence qu'il y a entre les créateurs et les créatures est encore plus grande et plus flagrante. Plus flagrante dans le sens plus ardham, plus grande. On va rester sur le terme plus grande. Est encore plus grande et wa adhar, et plus claire. بل التمثل مستحل بين الخالق والمخلوق كما سبق في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. Bien au contraire, il dit la comparaison entre le créateur et la créature, c'est quelque chose d'impossible. C'est quelque chose d'impossible, comme on l'a appris dans la sixième règle concernant les règles des attributs. Et de ce fait-là, on a terminé la deuxième règle. La deuxième catégorie. Donc je vous ai dit, la deuxième catégorie, on va avancer, Inch'Allah, pour pouvoir arriver à la troisième catégorie. Donc la deuxième catégorie, elle est claire, c'est ceux qui, eux, l'apparence du texte, il faut bien le comprendre, plus ça va nous aider à comprendre la troisième catégorie. Pour eux, l'apparence du texte, l'apparence, par exemple, lorsqu'un attribut est cité, le sens de l'attribut, c'est un attribut comparable à celui des créatures. C'est ça qu'ils comprennent, eux. Et c'est pour ça que eux comparent le créateur aux créatures. C'est ça la deuxième catégorie. Al-Qism al-Thalith, la troisième catégorie, من جعل المعنى المتبادل من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو التشبيه. La troisième catégorie, regardez, remarquez bien, la troisième catégorie, de la même manière que la deuxième catégorie et différemment de la première catégorie, eux, pour eux, le sens apparent, de même pour la deuxième catégorie, pour eux, le sens apparent du texte qui vient immédiatement et directement à l'esprit, c'est un sens aussi faux, comme pour la deuxième catégorie, c'est un sens faux, qui ne convient pas à Allah Azza wa Jal. Ce sens-là, comme pour la deuxième catégorie, c'est teshbih, c'est la ressemblance. C'est-à-dire que lorsqu'ils sont face à un texte où il y a mention d'attributs, ce qui leur vient directement à l'esprit, comme pour la deuxième catégorie, lorsqu'ils entendent l'attribut, ce qui leur vient directement à l'esprit, le sens de cet attribut-là, ce qui parvient à l'esprit directement, pour eux, c'est teshbih, c'est la ressemblance. C'est-à-dire, c'est un attribut comme celui de la créature. C'est la ressemblance. Donc, si par exemple, ils lisent le texte concernant la descente au sifat al-nuzul, au sifat al-yad, comme on a dit précédemment, pour eux, c'est un sens comparable. Donc, ce qui leur vient directement à l'esprit, c'est at-tashbih. C'est la comparaison et la ressemblance. Donc là, vous avez vu la similitude avec la deuxième catégorie. Sauf que eux, à la différence dans cette troisième catégorie, du fait que le sens qui leur vient directement à l'esprit, le zahir al-nas, l'apparence du texte qui leur vient, et ce sens qui leur vient directement à l'esprit, c'est la ressemblance. وَلِذَلِكْ ثُمَّ إِنَّهُمْ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أَنْكَرُوا. Pour cela, alors ils vont nier et refuser le sens apparent. Pour cela, alors ensuite, ils vont refuser le sens et désapprouver le sens apparent. Regardez, ثُمَّ إِنَّهُمْ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أَنْكَرُوا مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ مِنَ الْمَعْنَى اللَّائِقِ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَ. Donc de ce fait, ils vont nier. Ils vont nier le sens en réalité apparent du texte qui convient au Créateur. Pourquoi ? Parce qu'on a dit ceux qui prennent le sens apparent du texte qui convient au Créateur, c'est la première catégorie. C'est la voie et la méthodologie, la compréhension des pieux prédécesseurs, des premières générations. Eux, comme pour la deuxième catégorie, le sens qui leur vient directement, c'est un sens, le sens de l'attribut, le sens apparent pour eux et qui leur vient directement, immédiatement à l'esprit, c'est un attribut ressemblant à celui des créatures. Donc, at-tashbih. Donc, à la différence dans cette catégorie, c'est ça qui va les mener à nier et donc à désapprouver le sens apparent. Et donc, dans cette catégorie, eux, ils vont nier le sens apparent qu'il convient à Allah Azza wa Jal. وَهُمْ أَهْلُ التَّعْطِيلِ. Et comme vous avez pu comprendre, eux, c'est les partisans, cette conception-là et cette méthodologie-là, c'est la méthodologie des partisans de ce qu'on appelle التَّعْطِيلِ. الَّذِينَ عَطَّلُوا الصِّفَاتِ. C'est la conception, la compréhension des gens du تَعْطِيلِ, ceux qui ont nié les attributs d'Allah Azza wa Jal. سَوَنْ كَانَ تَعْطِيلُهُمْ عَمَّنْ فِي الْأَسْمَى وَالصِّفَاتِ. Que leur négation. Donc c'est les gens qu'on appelle les partisans de la négation. Les partisans de la négation. Puisque cette doctrine, on l'appelle la doctrine de la négation. Que ce soit la négation, une négation générale des noms ou bien des attributs, am khassan fihima ou fi ahadihima, ou bien une négation particulière. Par exemple, de l'un des deux. Que ce soit la négation des noms et des attributs, ou que ce soit la négation de l'un des deux domaines, c'est-à-dire la négation des noms, ou bien la négation des attributs. وَالطَّرَبُ فِي تَعْيِينِهَا اضْطِرَابًا كَثِيرًا وَسَمُّ ذَلِكَ تَأْوِيلًا وَهُوَ فِي الْحَقِيقَةِ تَحْرِيفٌ. Et l'auteur, il dit donc, cette troisième catégorie, elle regroupe ceux qui ont fait du sens premier, qui se dégage des textes sur les attributs, un sens nul, batil, qui ne convient pas à Allah. Car étant, on a dit, la ressemblance anthropomorphisme. Donc ces gens, à cause de cela, nient le sens, l'auteur dit, qui convient à Allah, bien qu'il émane des attributs eux-mêmes. Et on a dit, donc ce sont les négateurs de la négation. Ils ont ainsi, de ce fait, ainsi, ils vont détourner les textes de leur sens apparent vers des sens désignés avec leur raison. Avec leur raison. Et malgré qu'ils ont éprouvé beaucoup de peine à les désigner, ils ont appelé cela de l'interprétation. Alors qu'en réalité, l'auteur nous dit cela n'est pas de l'interprétation, mais relève plutôt de l'altération pure et simple, c'est-à-dire de la falsification. Et ensuite, ils vont essayer de nier le sens, de trouver un autre sens, de trouver une sorte d'échappatoire au sens apparent du texte, en ayant recours, par exemple, à l'interprétation. Sauf qu'en réalité, cette interprétation est plus de la falsification du texte. Pourquoi ? Puisque le but est de s'échapper du sens apparent, de ne pas, en fait, affirmer le sens apparent. Et donc, regardez ce que va nous dire. Ça, c'est le texte. Regardez ce que va nous dire l'auteur dans l'explication. Il dit, cette troisième catégorie, هم من جعلوا المعنى المتبادر معنى لا يليق بالله عز وجل ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دل عليه. Et donc, par exemple, on a dit cette troisième catégorie, pour eux, le sens apparent du texte qui leur vient directement à l'esprit, c'était التشبيه. التمثيل, l'anthropomorphisme. Ici, la ressemblance. Alors, de ce fait, ils ont désapprouvé le sens apparent. Ils ont nié le sens apparent. Il dit, et donc, cette catégorie-là, il dit, هم الذين ألف العلماء أو علماء السنة رحمهم الله الكتب الكثيرة في الرد عليهم. Et cette catégorie-là, c'est cette catégorie-là que les grands savants musulmans, les grands théologiens musulmans se sont hâtés de répondre en écrivant des livres, en rédigeant des livres et en répondant aux arguments et aux ambiguïtés de cette doctrine. لأن نفور الناس عن الطائفة الثانية وهم أهل التمثيل نفورهم أمر معلوم بالفطرة. Pourquoi ? Parce que comme on l'a dit précédemment, la deuxième catégorie, les gens, ça fait partie de leur nature et de leur nature innée de ne pas l'accepter. La personne, par exemple, lorsqu'elle est face à la deuxième catégorie, l'argumentation de la deuxième catégorie, lorsque on met en évidence que le sens apparent de l'attribut, c'est un sens qui est comparable à l'attribut de la créature, la personne, lui, aura du mal à croire que le créateur est comparable à la créature. C'est pour cela que ce qui est plus subtil et dont les savants se sont hâtés de répondre et d'argumenter et de rédiger des œuvres et des livres, c'est sur la troisième catégorie, sur celle-ci, la troisième catégorie. Car l'auteur dit, la deuxième catégorie, la nature innée de l'homme et la bonne raison refuse de penser que le créateur est comparable et semblable à la créature. ولهذا تجد كلام السلف رحمهم الله في الرد على الممثلة تجده قليلا. C'est pour ça que l'auteur, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit, si on observe, on remarquera que la parole et les réfutations des pieux prédécesseurs concernant la doctrine de al-mumathila, des anthropomorphistes, mais les vrais, les anthropomorphistes, al-mumathila, ceux qui comparent le créateur à la créature, sont peu. Par rapport à leur réfutation, sont moins abondantes par rapport à leur réfutation à la doctrine de la négation, aux partisans de la négation. لكن المحنة والبلاء في أهل التأويل. Pourquoi ? Parce que l'auteur, qu'est-ce qu'il va dire ? Il va dire l'épreuve qui s'est abattue sur les musulmans ensuite, vraiment, والبلاء, c'était sur l'interprétation. La doctrine de l'interprétation, c'est ça vraiment qui était une réelle épreuve qui s'est abattue sur les musulmans. وَبِلْ أَصَحْ فِي أَهْلِ التَّحْرِيفَ الَّذِينَ يُسَمُّونَ أَنفُسَهُمْ الَّذِينَ يُسَمُّونَ أَنفُسَهُمْ أَهْلَ التَّأْوِيلَ هَوْلَ هُمُ الْبَلَى هُمُ الَّذِينَ أَتْبَعُوا الْعُلَمَاءَ فَالرَّدِّ عَلَيْهِمْ. Il dit quand, et en réalité, ils sont nommés les partisans de l'interprétation, mais en réalité, ils sont partisans de la falsification. Ils sont partisans de la falsification, malgré qu'ils se sont appelés, eux, gens de l'interprétation. Partisans de l'interprétation. Et ils disent, en fait, c'est eux l'épreuve. L'épreuve, ou al-bala, ce sont eux. وَهُمُ الَّذِينَ أَتْبَعُوا الْعُلَمَاءَ فَالرَّدِّ عَلَيْهِمْ. Et c'est eux, en fait, qu'on pousse les savants à réfuter cela. Et à réfuter cela. Pour cela, il fait allusion dans son commentaire à la parole du cheikh de l'islam. قال الشيخ الإسلام رحمه الله إن هؤلاء أشد ضررا من الفلاسفة وأحق بالرد لأن الفلاسفة أيضا بطلان قولهم معلوم بالفطرة ونفور الناس منهم أعظم لكن هؤلاء يأتون بزخارف من القول ويموهون بها على العامة فيقبل الناس قولهم وهؤلاء أشد لكنهم كما قال رحمه الله هؤلاء لا الإسلام نصروا ولا الفلاسفة كسروا فهم ما نفعوا الناس بل ضروهم أكثر. Et c'est pour ça qu'il fait allusion à une parole du savant de l'islam qui dit qu'en fait leur pensée et leur méthodologie, leur doctrine est plus gravissime que celle de certains penseurs qui ont émergé à un moment donné dans le monde musulman et certains falasifas et certains philosophes. Pourquoi? Parce que ces thèses ont été émises dans le monde musulman par certains philosophes ou certains penseurs, ces thèses-là, en fait, la nature innée des gens refusait ces thèses. Tandis que les gens qui se sont nommés partisans de l'interprétation, eux, ils ont embelli le discours. Et donc, pour cela, des masses, ensuite, sombraient et penchaient vers leur argumentation. Vous comprenez pourquoi ensuite, vous trouvez beaucoup de livres, selon les différents siècles, qui réfutaient justement la doctrine justement al-ta'wil wa at-ta'til. ولهذا ينبغي أن نطيل البحث في كلام هؤلاء. C'est pour ça que le cheikh dit qu'il va plus détailler cela. Et la recherche dans leurs arguments et leur conception des choses et leur méthodologie. Là, le cheikh dit il va développer plus cette troisième catégorie. Vous comprenez? Donc là, j'insiste bien sur ça parce que vous allez voir que Shir, vraiment, cette troisième catégorie-là, il va développer. Il va développer et vous allez voir, c'est très intéressant et très important. Vous savez pourquoi? Pourquoi c'est aussi important? Parce que pendant un moment, la majorité du monde musulman, en grande majorité, hein, même de grands savants musulmans, adhéraient à la méthodologie de la doctrine des gens qui se nomment les partisans de l'interprétation. La majorité, une grande partie du monde musulman adhérait à cette pensée-là. C'est pour ça que les grands théologiens, les grands savants musulmans se sont hâtés dans leurs œuvres de répondre aux arguments et de réfuter les arguments de cette doctrine. C'est-à-dire que les savants, ce qu'il faut bien comprendre, les savants de la sunna ne nient pas le fait qu'il peut y avoir interprétation de passages du Coran et des versets du Coran. C'est pas ça qu'ils nient. Eux, ils nient le fait d'interpréter des versets spécifiques qui sont les versets d'attributs. Lorsqu'un, par exemple, un texte, que ce soit un hadith du prophète, ou bien un verset, lorsqu'il est considéré comme étant ayat al-sifat, un verset d'attribut, il y a la mention d'un attribut divin, là on n'interprète pas. Par exemple, il y a la mention de la main. Les gens comme on va bien détailler cela, pour les gens de l'interprétation, cette doctrine-là, ils ne peuvent pas concevoir l'attribut de la main selon son sens apparent. Pourquoi? Parce que pour eux, le sens apparent, c'est comme pour la deuxième doctrine. Le sens apparent de la main, ça serait une main comparable à la main des créatures. Donc pour cela, ils se sont refusés de penser cela. Donc, ils ont eu recours à l'interprétation. Et donc, on va bien détailler cela dans l'auteur. C'est pour ça qu'il dit que cela, cette pensée-là, il va mieux la détailler. Et il dit « Al-Bahth » et vraiment de s'approfondir sur les arguments des partisans de cette pensée-là, de cette méthodologie-là. Il va dire, pourquoi ? Parce que eux, pour eux, le sens apparent des textes, et regardez dans l'explication, il le stipule bien, le sens apparent des textes d'attributs, pour eux donc, ça serait en quelque sorte, si pour eux, le sens apparent qui leur vient directement à l'esprit. Vous avez vu pourquoi c'est pertinent que l'auteur, au début de la règle, il nous a expliqué, mais qu'est-ce que le sens apparent ? Puisqu'on a appris que, en ce qui concerne les versets d'attributs, les attributs d'Allah Azza wa Jal, on les prend selon le sens apparent. Mais qu'est-ce que le sens apparent ? On a dit le sens apparent, c'est le sens qui nous vient directement à l'esprit. Pour eux, le sens qui vient directement à l'esprit, c'est un sens qui est faux. Pourquoi ? Parce que pour eux, l'attribut serait comparable au créateur. Donc c'est un sens qui ne convient pas en fait à Allah Azza wa Jal. Tandis que les partisans de la première catégorie, les gens de la sunna, les pieux prédécesseurs, eux, le sens qui vient directement à l'esprit, c'est un sens, c'est très important, ce point-là est très important, qui convient au créateur. C'est pour ça qu'on dit bien en arabe, « Kama yaliqu bi jalalihi subhanahu wa ta'ala ». Regardez. Or, cette doctrine-là, le sens apparent des textes d'attributs, c'est un sens qui ne convient pas au créateur. Et le sens, alors, pour eux, qui leur vient directement à l'esprit, c'est quoi ? Maintenant, on peut rester sur des termes en arabe. C'est « at-tashbih ». C'est « at-tashbih ». Donc, pour cela, « ثُمَّ لَمَّا جَعَلُوا هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ ذَهَبُوا يُحَرِّفُونَ النُّصُوصَ مِنْ أَجْلِهِ ». Donc, du fait que pour eux, le premier sens qui leur vient à l'esprit, c'est « tashbih ». On peut rester sur ce terme maintenant, comme ça, je n'ai plus besoin de traduire, on peut avancer. C'est « tashbih ». Donc, c'est un sens qui ne convient pas au créateur. Cette tashbih, alors, ils ont eu recours à la falsification. De ce fait, ils ont eu recours à la falsification du sens apparent du texte. Du sens apparent du texte. Famathalan, par exemple, avec les exemples, on comprend mieux les choses et les choses sont plus concrètes. Regardez, par exemple. Lorsqu'Allah dans le Coran dit Lima khalaqatu biyadei, Allah nous dit pour ce que j'ai créé de mes deux mains. Pour ce que j'ai créé de mes deux mains. Comment comprendre ce verset ? Selon, regardez si, pour mieux comprendre, on revient selon les trois catégories qu'a cité l'auteur, les trois conceptions ou trois méthodologies qu'a cité l'auteur. Selon la première, qui est la conception des pieux prédécesseurs, la conception saine et bonne. On voit dans le verset Allah Azza wa Jal, notre créateur nous dit « pour ce que j'ai créé de mes deux mains ». Donc là, c'est un verset spécifique. C'est un verset d'attribut ou non ? C'est un verset d'attribut. Pourquoi ? Parce qu'il y a la mention des mains. « Pour ce que j'ai créé des mains, de mes deux mains ». Les pieux prédécesseurs, eux pour eux, face au verset d'attribut, ils le prennent selon leur sens apparent. Ils ne vont pas avoir recours à interprétation ou à nier. Mais pour eux, regardez, c'est pour ça qu'on répète bien, et l'auteur stipule bien cela, pour eux, le sens apparent qu'ils vont comprendre, très important, ils le conditionnent à quoi ? Un sens qui convient au créateur. Un sens, comme si on pourrait dire, avec nos mots à nous en français, spécifique au créateur. C'est-à-dire que ces deux mains, c'est des mains, parce que c'est dit, c'est des mains, mais comme ils conviennent au créateur, comme il sied à sa majesté, subhanahu wa ta'ala, si on peut dire, ou à sa magnificence, si on peut dire ainsi, comme il convient au créateur. C'est-à-dire, quand on dit comme il convient, ça réfute et nie le fait qu'elle soit comparable et qu'on s'imagine que c'est la même main que les créatures. Sais-tu, ce sont ces cités mains, c'est comme il convient au créateur. Sauf que le comment sont-elles ? Allahu a'lam, ça on ne sait pas. Nous, c'est quoi qu'on connaît ? C'est quoi dont nous on a la connaissance par rapport au terme ? C'est quoi ? Parce que si là, je fais, c'est volontaire que je pose la question, parce que si là on ne peut pas répondre, je suis obligé de revenir à la règle. On est obligé de revenir aux règles précédentes. Le sens, exactement. Nous, ce qu'on connaît, c'est le sens. Il est cité main, bima khalaqatu biyadei. Main, le sens, on le connaît. Il n'y a pas de confusion. Nous, ce qu'on ne connaît pas, c'est le comment. Le comment de celle-ci, Allahu a'lam. Mais ce qu'on sait, c'est qu'elles conviennent au Créateur. Elles sont incomparables à celles des créatures. Pourquoi ? Parce que Allah Azza wa Jalla dans le Coran nous dit que rien n'est comparable à lui, il est seul et unique. Donc selon la compréhension des pieux prédécesseurs, on prend, c'est ça le fait de prendre le sens apparent, c'est-à-dire le sens qui vient directement à l'esprit lorsqu'on entend de ce que j'ai créé de mes deux mains. Qu'est-ce qui nous vient comme sens directement à l'esprit ? C'est les mains. Mais comme elles conviennent à Allah Azza wa Jalla, incomparables à celles des créatures. La deuxième méthodologie, la deuxième conception, la deuxième catégorie de gens, eux, comment ils vont comprendre ? Quel va être le sens apparent pour eux ? Le sens apparent, ce qu'on appelle les partisans de At-Tashbih, eux, pour eux, le sens apparent, de ce que j'ai créé de mes deux mains, ils vont comprendre deux mains, mais en fait, qui ne conviennent pas au Créateur. Un sens faux, et vous allez comprendre pourquoi qui ne conviennent pas au Créateur, pour eux, c'est deux mains comparable à celle des créatures. Quand ils entendent de ce que j'ai créé de mes deux mains, le sens apparent des deux mains, c'est deux mains comme pour celle des créatures. Donc c'est ça le fait de faire ressembler les créateurs aux créatures. Ça c'est la deuxième catégorie. La troisième catégorie qu'on est en train de développer là, la troisième conception, c'est que ce sens apparent là du verset, eux, de ce que j'ai créé de mes deux mains, Comme pour la deuxième conception et méthodologie, ils vont donner un sens faux, puisque eux, qui ne conviennent pas au Créateur, ils vont dire, oui, c'est deux mains. Le sens apparent, c'est quoi ? C'est deux mains comme on les connaît. Deux mains comparables à celles des créatures. Sauf que eux, différemment de la deuxième conception, qu'est-ce qu'ils vont dire ? Ils vont dire, par contre, on ne peut pas l'affirmer, ça. Ça, on ne peut pas y croire. Donc de ce fait, du fait que eux, le sens apparent du texte de la tribu, ils lui ont donné un sens faux, comme pour la deuxième catégorie. Ce sens faux, c'est quoi ? C'est de penser que c'est des mains comparables aux créatures. Du fait qu'ils lui ont donné un sens faux, de cela, ça va les mener à essayer de trouver, et là c'est mes mots, c'est nos mots à nous en français, l'auteur ne le dit pas comme ça en arabe, pour mieux comprendre, une sorte d'échappatoire. Et eux, de ce fait, ils vont dire non, c'est pas demain, et ils vont interpréter. Ils vont interpréter. C'est ce que les savants enseignent du fait qu'on ne peut pas interpréter. Pourquoi ? Parce que ce sont des textes d'attributs. Ce sont des attributs divins. Et donc les attributs divins, on doit prendre selon le sens apparent. Le texte, on le prend selon le sens apparent, sauf comme il convient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc regardez. Là, on va mieux comprendre ce que l'auteur dit. Kalimatu biyadei. Donc la parole dans le verset, ce que j'ai créé de mes deux mains. Zahira ithbat al-yad wa tashbih. Donc pour eux, l'apparence, c'est quoi ? C'est qu'il y a l'affirmation de main et donc ressemblance. Ressemblance. لأنهم يوافقون المشبه في أنه لا يعقل من هذه الأشياء إلا ما كان مشابها للمشاهد. Pourquoi ? Parce que la troisième catégorie, ils ont le point commun, comme on l'a dit avec la deuxième. Pour eux, le sens qu'ils arrivent à concevoir du terme, c'est le sens que eux connaissent, dans le sens ce que eux ont vu de la main des créatures. Et eux, pour eux, c'est pour ça que lorsqu'ils entendent l'évocation de l'attribut, pour eux, biyadei, ce que j'ai créé de mes deux mains, c'est deux mains qu'on connaît. Donc ça, c'est le point commun que la troisième catégorie a avec la deuxième catégorie, sur la compréhension. C'est le point commun. Sauf qu'ensuite, ils vont dire, donc là, on est obligé de trouver une interprétation. Sauf que cette interprétation qu'ils vont essayer de trouver et de donner à l'attribut, c'est une interprétation qui convient avec la raison humaine. Qui convient avec la raison. Donc, فنقول المراد باليد النعمة أو القوة. Donc c'est pour cela que vous trouvez que, par exemple, les partisans de la doctrine de l'interprétation, on stipule bien des attributs, ou plutôt des textes d'attributs, eux diront, interpréteront le terme yed, ils diront en fait la main, les mains citées dans le verset, c'est dans le sens de la puissance. Ou bien an-ni'ma, le bienfait. Donc, ils interprètent le verset en disant « Ce que j'ai créé de mes deux mains, ça veut dire ce que je crée par ma puissance. » Ou bien « Ce que j'ai créé par mon bienfait. » Par mon bienfait. Donc, « biyadei » pour eux, c'est dans le sens de « an-ni'ma » ou « al-quwa ». Par exemple, l'attribut. Lorsqu'Allah, dans différents passages du Coran, nous dit qu'il s'est élevé, établi au-dessus de son trône. L'établissement au-dessus du trône, l'élévation au-dessus du trône, c'est un attribut ou non? C'est un attribut. Alors là, par exemple, ils diront l'établissement au-dessus du trône, l'élévation au-dessus du trône, ne peuvent pas l'affirmer. Pourquoi? Parce que le sens apparent pour eux, c'est un sens qui est comparable à l'attribut de la créature. Donc, ils vont l'interpréter en lui donnant une interprétation en disant c'est dans le sens de istaoula, c'est dans le sens de dominer. En fait, ils diront ce n'est pas le sens apparent, puisque le sens apparent c'est qu'Allah Azzawajal s'est élevé, établi au-dessus de son trône. Eux, ils diront non, le sens c'est dominer. Le sens serait istaoula, dominer. Par exemple, pour l'attribut de la descente. L'attribut de la descente, le fait qu'on a dans un hadith du prophète, et donc ça c'est important de comprendre ça, pourquoi? Parce que dans le Coran par exemple, dans les textes sacrés du Coran, on a beaucoup de versets où il y a mention d'attributs, qui sont des versets considérés comme des versets d'attributs. Et on a aussi des hadiths du prophète, qui sont des versets liés aux attributs d'Allah, comme par exemple pour la descente, c'est cité dans un hadith du prophète où le prophète nous dit qu'Allah, au dernier tiers de la nuit, il descend au premier ciel. La descente. Comment dans les premières générations ils ont compris la descente? Tout simplement le sens apparent qui nous vient directement à l'esprit, la descente. Sauf que elle n'est pas comparable à l'être humain. C'est comme il convient d'Allah Azzawajal. C'est quelque chose de spécifique à Allah subhanahu wa ta'ala. Eux diront non. On ne peut pas affirmer cela, la descente. Donc ils vont dire en fait, ce n'est pas Allah qui descend, mais c'est son ordre. C'est l'ordre ou bien sa miséricorde. Donc ils vont donner une interprétation en disant que c'est la miséricorde d'Allah azzawajal qui descend. Pourquoi je détaille bien cela? Parce que Cheikh, maintenant ensuite, l'auteur, il va nous répondre pourquoi, parce que la question qui nous vient à l'esprit maintenant, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas interpréter? Pourquoi les savants depuis les premières générations ont réfuté l'interprétation des textes d'attributs? C'est ce que l'auteur vient bien nous expliquer. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'une personne, par exemple, qui n'est pas ancrée dans le savoir et qui n'a pas un grand savoir et qui n'a pas fait d'études théologiques et qui n'a pas une bonne connaissance de la compréhension des textes, si il est face à un discours où il y a argumentation et des personnes qui adhèrent à la doctrine de l'interprétation, lorsqu'il va entendre l'argumentation, il peut se faire convaincre et adhérer de sorte que le discours est embelli. Et la personne, par exemple, on lui dit « Non, en fait, ce n'est pas le Créateur qui descend, mais c'est sa miséricorde. » Sa miséricorde. La personne pourrait quelque part concevoir cela. Surtout qu'on lui dira « On ne peut pas affirmer la descente du Créateur, ce n'est pas possible que le Créateur descend au premier ciel. » Ce n'est pas possible. Une personne qui n'a pas de base, qui ne connaît pas les règles, il pourra dire « Oui, effectivement, ce n'est pas possible. » Sauf que lorsqu'on dit c'est pas possible, On dit que ce que le messager, l'envoyé d'Allah Azzawajal, a dit au sujet du créateur, et décrit le créateur, c'est pas possible. En fait, c'est ça, puisque l'apparence du texte, c'est le prophète qui dit que Allah, dans un hadith authentique, il descend au dernier tiers de la nuit, au premier ciel. Donc celui qui dit que ce n'est pas possible, il dit que ce que dit l'envoyé d'Allah Azzawajal, au sujet du créateur, ce n'est pas possible, premièrement. S'il dit, on a recours donc à l'interprétation de l'attribut de la descente, en disant la descente, ce n'est pas la descente du créateur, en fait, c'est sa miséricorde, ou bien son ordre. Disons, qui est-ce ? Quelle est la preuve que l'interprétation de cet attribut, c'est bien et bien la descente de l'ordre, ou bien de la miséricorde ? Est-ce que c'est l'envoyé d'Allah Azza wa Jal, lui-même, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, que les prières bénédictions sont sur lui, a interprété l'attribut de la sorte ? Ou bien, ce sont ses compagnons qui ont entendu les paroles du prophète et ont compris, les compagnons, que la descente du créateur au premier ciel, au dernier tiers de la nuit, c'est son ordre et sa miséricorde qui descend. Et donc, tout ce sujet-là, c'est ce qu'on va essayer de comprendre. L'auteur va bien le détailler. Va bien détailler cette partie-là. Donc, si on a bien compris cela, on va s'arrêter là et on continuera, inshallah, si Allah nous permet, demain. Et c'est pour ça qu'il dit hadihi alqa'idatu indahum qalu. C'est pour ça que justement les gens, lorsqu'ils ont été face à ces textes, beaucoup se sont dit, il y a deux choses à faire: soit on interprète, soit on fait une deuxième chose, nufawwid. Nufawwid. C'est quoi nufawwid? Non, tafwid. On avait dit les partisans, c'est quoi lorsqu'on avait dit la doctrine du tafwid qui est apparue dans le monde musulman il y a très longtemps. On a bien expliqué le tafwid. Exact, par rapport à quoi? Exactement. At-tafwid, c'est quoi al-mufawwida? C'est quoi la pensée d'al-mufawwida? هذا أهل السنة لا نعلم الكيفية لكن أهل التفويض ما عقيدتهم؟ C'est quoi la croyance des gens du tafwid? Même ça a été attribué à beaucoup de savants. Beaucoup de grands savants des premières générations, leur parole a mal été comprise et interprétée, ils ont pensé qu'ils faisaient du tafwid. Oui, exactement. Comme il a très bien dit, ils disent « Allahu a'lam », on ne sait pas. On le remet à Allah, c'est-à-dire le sens. Donc regardez, c'est pour cela qu'ensuite, par rapport à ça, il y a eu deux conceptions. Parmi les conceptions qu'il y a eu, différentes conceptions. Ceux qui ont dit en fait, l'attribut, l'apparence du texte, l'attribut, il faut l'interpréter. Il donne une interprétation. Comme on l'a dit précédemment, la main, en fait, c'est la ni'ma, c'est le bienfait d'Allah, ou al-quwwa, la force, la puissance, l'interprétation. Et d'autres ont dit, non, en fait, le sens, on ne sait pas. En fait, on affirme, il est dit dans « Bima khalaqatu biyadei », on l'affirme, « biyadei », Marna yaday, al-yad, ma marna al-yad, Allahu a'lam. On ne sait pas. Pourquoi ils ont été appelés les gens du tafwid? Nufawwiduhu. Pourquoi? Parce que c'est le fait de remettre quelque chose, de s'en remettre à Allah. Ils ont dit au niveau du sens, on s'en remet à Allah, on ne le connaît pas. Alors c'est pour ça que vous avez vu, certains ont eu recours à l'interprétation, et d'autres ne sont pas rentrés dans l'interprétation. Ils ont dit, on affirme, même Anan Nuzul, par exemple, le prophète a dit qu'Allah est descendu au premier ciel de la nuit, dans le dernier tiers de la nuit, au premier ciel dans le dernier tiers de la nuit. Nuzul, descente, on l'affirme, Sifatun Nuzul, mais le sens de Nuzul, de la descente, Allahu A'lam. On ne sait pas ce que ça veut dire. Dans la prochaine assise, vous allez voir que l'auteur va nous expliquer que pour les savants, eux les savants considèrent que le tafwid, c'est plus grave que l'interprétation. De dire qu'il n'y a pas de sens, on ne le connaît pas de sens, c'est plus grave. C'est plus grave qu'une interprétation. Et ça, on va. Donc, c'est pour ça que l'auteur va vraiment détailler cette question-là. Pourquoi, par exemple, on ne pourrait pas interpréter le texte d'attribut? Pourquoi on n'aurait pas eu recours à une interprétation? Pourquoi les savants se sont refusés d'interpréter les textes d'attribut depuis les premières générations? Ça, on va l'apprendre. Pourquoi les savants se sont refusés, depuis les premières générations, lorsque vous faites des recherches dans les livres de dogmes et de croyances, se sont refusés, par exemple, les grands savants musulmans, à dire que le sens, on ne le connaît pas? Pourquoi ils se sont refusés? Tout cela, on va bien le détailler dans les prochaines assises. Et aussi, répondre à une question importante, pourquoi en fait parler de cela? Aujourd'hui, les personnes pourraient se dire, mais pourquoi est-il si important? Bah, parce qu'on parle de notre Créateur. On adore notre Créateur. Et notre Créateur se décrit dans le Coran. Il, c'est-à-dire, nous informe à son sujet. Il nous informe à son sujet. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous informe au sujet d'Allah, azza wa jal. Ces textes-là, où il y a description, puisque lorsqu'on dit texte d'attribut, c'est qu'il y a description du Créateur. On ne peut pas les refuser. On ne peut pas les interpréter. Puisque rien n'est semblable à Allah Azza wa Jalla. On ne peut que les accepter selon le sens apparent, sauf que le comment, on ne sait pas. Par contre, c'est le comment, nous, qu'on remet au Créateur, subhanahu wa ta'ala. Le comment, ça, on ne le sait pas. Par contre, le sens, on ne le sait. Al-Mufawwida, eux, pour eux, le sens, non. Ils ne le connaissent pas. Et c'est pour cela que les savants, le bienfait que les savants ont écrit, ont répondu aux arguments, fait que, regardez, près de 15 siècles après la descente de la révélation et le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les musulmans, en étudiant, en apprenant, ils peuvent être sur la même croyance, celle sur laquelle étaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et leurs disciples. Et justement, si les musulmans n'apprennent pas ces questions-là, avec le temps, eh ben, les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons s'oublieront et les gens vont tomber dans la confusion concernant les musulmans ensuite seront dans la confusion concernant la connaissance de leur créateur. Et c'est de là qu'ensuite émergent différentes philosophies. Le créateur est comme ceci, le créateur et comme cela, et ensuite les gens spéculent et philosophent sur le Créateur. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa barakallahu fikum.